بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc aujourd'hui, inshallah, بإذن الله عز وجل, nous allons débuter le chapitre concernant l'wudu, les ablutions. Mais auparavant, on va voir quelques notions que nous n'avons pas développées lors du dernier cours en lien avec Babu Qada al-Haja, le chapitre concernant la bienséance des besoins. Notamment, une habitude que beaucoup de gens aujourd'hui ont pris et qui existe dans certains livres de Fuqaha, qui est le fait de se couvrir la tête avant d'entrer aux toilettes. Le fait de se couvrir la tête avant d'entrer aux toilettes. Donc il y a un hadith rapporté par Al-Bayhaqi qui est faible, selon lequel le prophète alayhi salatu wasalam se couvrait la tête et mettait ses sandales avant d'entrer aux toilettes. Cependant, la majorité des jurisconsultes, la majorité des savants, ont dit qu'il est mustahab, qu'il est recommandé de se couvrir la tête avant d'entrer aux toilettes, s'appuyant sur ce hadith-là, qui est faible, et aussi sur un récit d'Abu Bakr, radiyallahu anhu, dans lequel il dit aux gens, « Soyez pudiques envers Allah comme il se doit, car par celui en dehors duquel il n'y a pas de divinité, lorsque je vais donc aux toilettes pour faire mes besoins, je me couvre avec mon vêtement. » Donc Abu Bakr radiyallahu anhu se couvrait par pudeur devant Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il faisait ses besoins. Cependant, des savants disent que ce n'est même pas recommandé en raison de la faiblesse du hadith. Et Abu Bakr radiyallahu anhu, il faisait ça par pudeur, pas parce que c'était une sunna du prophète alayhi salatu wasalam. Wallahu a'lam. Selon certains savants, donc c'est recommandé. Mais ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que chez certaines personnes, ça a atteint le niveau quasiment du wajib, de l'obligatoire. Au point où ils font le reproche à quelqu'un qui entrerait aux toilettes la tête nue. Et qui sont choqués de cela. Alors que c'est la base, à la base, on n'a pas à se couvrir la tête pour entrer aux toilettes. Mais si jamais la personne prend l'avis des nombreux savants qui ont dit que c'est recommandé, Alhamdulillah. Mais qu'il ne fasse pas le reproche à quelqu'un qui entrerait donc la tête nue aux toilettes. Et concernant le fait de mettre des sandales, des chaussures ou autres pour entrer aux toilettes. De même, là, le hadith est faible. Le hadith, donc, Al-Bayhaqi mentionnant cela, est faible. Selon lequel le prophète, alayhi salatu wasalam, labisa na'lahu. Il mettait ses sandales avant d'entrer aux toilettes. Cependant, suivant les toilettes, il va falloir peut-être mettre quelque chose aux pieds pour se protéger de ce qu'on appelle le najaset, pour se protéger des impuretés. Donc si jamais les toilettes sont au sol, là il est logique de mettre des sandales pour ne pas se salir les pieds, pour ne pas souiller ses pieds. Mais ce n'est pas dans le sens de la sunna, parce que le prophète alayhi salatu wasalam le faisait, non. C'est dans le sens où on doit se protéger des impuretés. Et donc, il faut à ce moment-là mettre quelque chose à ses pieds pour pouvoir ne pas souiller ses pieds. Mais si les toilettes sont hautes, en hauteur, comme c'est le cas souvent aujourd'hui dans les maisons, les appartements ici, que le sol est propre, il n'y a pas de raison de mettre des sandales. Donc si quelqu'un a des sandales, des pantoufles et qu'il les a dans sa maison, il ne les enlève pas pour entrer aux toilettes, ce n'est pas ce que l'on veut dire, mais qu'il se charge de mettre quelque chose alors qu'il était peut-être pieds nus chez lui et qu'au moment d'entrer aux toilettes il veut mettre quelque chose, notamment si les toilettes c'est sûr qu'ils sont propres. Mais certains vont beaucoup plus loin que ça. Ils pensent qu'il y a un lien avec l'hygiène. Il y a un lien avec l'hygiène. Que ce soit concernant couvrir la tête, certains pensent qu'il y a un hygiène qui ferait quelque chose à la personne, qu'il y a un risque qu'il perde la tête ou qu'il subisse donc un méfait de la part des djinns. Ça, c'est infondé. C'est même interdit de croire ça parce qu'il n'y a rien qui prouve cela dans le Coran et la Sunna. Il n'y a pas de preuves concernant cela. Donc il faudrait se couvrir la tête même dehors, il y a des djinns même dehors. Et concernant les pieds aussi, certains ont cette aqidah-là, cette croyance selon laquelle les djinns peuvent entrer peut-être par les pieds ou autre. Et tout ça, c'est battle, tout ça, c'est nul, c'est inexistant. Et ça n'a pas de base. Wallah a'lam. Et la faiblesse du hadith nous suffit. Si le hadith est faible, il ne permet pas donc de légiférer, d'être une base pour pouvoir légiférer un acte ou une parole. Et concernant le fait de se couvrir la tête, on a l'acte d'Abu Bakr, sur lequel se sont appuyés de nombreux savants, mais concernant le fait de mettre quelque chose au pied, donc oui, si jamais les toilettes sont au sol, donc il y a impureté au sol, donc le musulman ne doit pas souiller ses pieds, donc en raison de la souillure du sol, il va mettre quelque chose à ses pieds, mais si les toilettes sont en hauteur et que le sol il est propre à la base, notamment si c'est nos toilettes à nous, les toilettes de chez nous, on en connaît l'état souvent, donc là il n'est pas légiféré de mettre quelque chose à ses pieds ni de les enlever si jamais on doit y entrer, on reste dans l'état où on est. Et notamment la croyance par rapport aux djinns, tout ça, ça c'est quelque chose dont il faut se débarrasser, penser qu'un djinn va nous attaquer parce qu'on n'a rien aux pieds ou rien sur la tête. On croit aux djinns, on croit au récit d'Allah subhanahu wa ta'ala concernant les djinns ainsi que ceux du prophète alayhi salatu wassalam. Mais ces détails-là, est-ce qu'ils pourraient nous faire quelque chose dans les toilettes? Même si le hadith, effectivement, de l'invocation d'entrée, nous demande de demander à Allah protection contre al-khubuthi ou al-khaba'ith, qui sont les démons mâles et femelles, on avait vu. Ce qui prouve bien qu'ils sont habités par des démons mâles et femelles, ces toilettes-là. Mais ça ne veut pas, cela ne va pas impliquer le fait de se couvrir la tête. Ni de mettre quelque chose au pied, wallah. L'auteur dit, rahimahullah, babul wudu. Bab, donc c'est la porte dans la langue arabe, ici on peut traduire par porte ou chapitre. Donc c'est l'ensemble de notions que l'auteur va nous donner pour pouvoir, inshallah, avoir des informations concernant les ordres d'Allah et du prophète alayhi salatu wassalam en lien avec al-wudu. Al-wudu bid-dam, al-wudu avec la dhamma sur le waw. Al-wudu et non pas al-wadu. Al-wudu dans la langue arabe, c'est pris de al-wada'ah qui est la beauté. Al-wada'atu wa hiya al-husn. Donc al-wudu c'est pris de la beauté dans la langue arabe. Et dans l'istilah, dans le sens consensuel, c'est al-ghasl wal masah li a'da'in makhsusa ala sifatin makhsusa. C'est le lavage et le frottement de membres spécifiques selon une manière spécifique. Donc le lavage, on verra, du visage, des bras et des pieds. Et le frottement, donc de la tête, le frottement de la tête. Donc ça c'est l'explication de lavage et frottement de membres spécifiques. Donc ces quatre membres-là cités dans Sourate Al-Ma'ida, comme on va voir. Ala sifatin makhsusa, selon une manière spécifique. Donc on va voir comment est-ce que on lave ces différents membres, en quel nombre, combien de fois, etc. Donc al-wudu c'est une obligation, une condition pour faire la prière, selon le consensus des savants. Et la base concernant cet acte-là, c'est le verset d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le chapitre Al-Ma'ida, où Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ya ayyuhal ladhina amanu » إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَمْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. Ô vous qui avez cru, lorsque vous vous levez pour la prière, lavez-vous les visages et les bras jusqu'aux coudes et essuyez vos têtes et vos pieds. Mais c'est « et lavez-vous vos pieds », on verra que les pieds sont coordonnés aux bras et non pas à la tête. « Et lavez-vous les pieds jusqu'aux chevilles. » Donc ce verset-là qui se trouve dans Sourate Al-Ma'ida, c'est la base. C'est vraiment le verset principal concernant l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, concernant l'wudu, concernant al-wudu. Et al-wudu, dans la langue arabe, ça c'est ce avec quoi on va faire al-wudu. Donc al-wudu, c'est l'eau. Al-wudu, c'est l'acte de faire les ablutions avec la dhamma. Et al-wadu, avec la fatha sur le waw, ça c'est ce avec quoi on fait nos ablutions, donc c'est l'eau. C'est l'eau. Et de même, on a d'autres expressions qui sont selon cette construction dans la langue arabe. On avait vu at-tuhur, avec la dhamma. At-tuhur, qui est la purification. At-tahur, c'est ce avec quoi on se purifie. L'eau aussi. On a as-suhur. As-suhur, c'est l'acte de prendre son repas avant l'aube. Et as-sahur, c'est le repas qui est devant l'individu, le repas qui va être mangé. Al-wuqud, c'est le fait de mettre le feu à quelque chose, incinérer, al-wuqud. Et al-waqud, c'est le combustible. Al-waqud, c'est le combustible. Allah dit, waquduha an-nas wal-hijara. En parlant de l'enfer, il dit que son combustible sont les gens ainsi que les pierres. Waqud, waquduha an-nas wal-hijara, avec une fatha. Et donc les ablutions sont un acte qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime, et donc c'est une ibadah. C'est une ibadah. Car Allah subhanahu wa ta'ala l'a ordonné. On se rappelle toujours cette règle-là. Ce que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné, c'est qu'il l'aime. Et ce que Allah aime, c'est une adoration. Le faire, c'est une adoration. Et ce que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné de manière obligatoire, c'est quelque chose qui est plus aimé que quelque chose, qu'une notion ordonnée dans le sens recommandé. Et al-wudu, c'est un acte qui est obligatoire, donc aimé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et al-makruh, le détestable, c'est quelque chose qu'Allah a interdit et que donc Allah subhanahu wa ta'ala déteste. Et le haram est encore plus détesté par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cet acte-là, il est aimé par Allah subhanahu wa ta'ala. Il a de nombreuses vertus qui ont été citées dans des hadiths du prophète alayhi salatu wa salam. On va en citer quelques-uns, pas tous car ils sont nombreux. Donc selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wa salam a dit: inna ummati yud'auna yawm al-qiyamati ghurran muhajjalina min athar al-wudu. Thumma zada Abu Huraira hadhihi ziyada mudraja: faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Muttafaqun alayh. Donc selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wa salam a dit: ma communauté sera appelée yawm al-qiyama ghurran, donc avec le visage blanc, lumineux. Muhajjalin, at-tahjil, c'est la blancheur au niveau des membres, au niveau des deux bras et au niveau des pieds. Min athar al-wudu. Donc ils auront la blancheur au visage et au niveau de leurs membres, hein, en raison des ablutions. Puis Abu Huraira a rajouté cette parole qu'on appelle un idraj. Donc ça a été intégré dans le hadith, mais c'est une parole d'Abu Huraira radiyallahu anhu, et non pas du prophète alayhi salatu wa salam, comme l'ont montré de nombreux savants, notamment Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi. فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ. Celui qui peut donc élargir la blancheur de son visage, qu'il le fasse. Le hadith est unanimement reconnu authentique. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. كذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه. Et dans le recueil authentique de Muslim, toujours selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la parure du croyant atteindra le niveau atteint par ses ablutions. Le hadith est rapporté par Muslim. Donc la parure du musulman yawm al-qiyamah atteindra le niveau atteint par l'eau de ses ablutions, c'est-à-dire jusqu'aux coudes concernant les bras, jusqu'aux chevilles concernant les pieds, etc. كذلك في صحيح مسلم عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. Donc toujours dans le recueil authentique de Muslim rahmatullah alayhi, selon Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wa salam a dit: celui qui fait ses ablutions et les parfait, donc de la meilleure manière, ses péchés sortent de son corps jusqu'à ce qu'ils sortent de dessous ses ongles. Donc les ablutions sont une cause pour que l'individu ait une parure dans l'au-delà, une cause de luminosité aussi auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala le jour du jugement. Et d'ailleurs, le prophète alayhi salatu wa salam reconnaîtra sa communauté, hein, et reconnaîtra ses frères, notamment comme il l'a cité dans un hadith lorsqu'il a dit: si seulement j'avais rencontré mes frères. Et les compagnons lui ont dit: awalasna ikhwanaka ya rasulallah, ne sommes-nous pas tes frères? Il a dit: vous êtes mes compagnons et mes frères sont des gens qui arriveront donc après moi, et qui ne m'ont pas vu. Et les compagnons, radiyallahu anhu, m'ont dit, comment est-ce que tu reconnaîtras donc ces gens-là, tes frères, yawm al-qiyamah? Et il leur a donné une parole, une parabole, il leur a donné une parabole, alayhi salatu wassalam, il a dit, voyez-vous un propriétaire de chevaux, donc il y a des chevaux noirs, mais au sein desquels il y a des chevaux qui ont donc le front frappé de blanc, ainsi que leurs membres. Il a dit, c'est ainsi donc que je reconnaîtrai les individus de ma communauté, yawm al-qiyamah, parmi le reste des individus. Et à la fin, il a dit, wa ana faratuhum ala al-hawd, et moi je suis celui qui les accueillera au niveau du Haud, donc le bassin du prophète alayhi salatu wassalam. Et de même, les ablutions sont une cause donc d'expiation des péchés, de pardon des péchés par Allah subhanahu wa ta'ala. Et les hadiths à ce niveau-là sont nombreux. Le prophète alayhi salatu wassalam dit dans d'autres hadiths que lorsque l'individu se lave le visage, les péchés donc qu'il a fait avec ses yeux sortent, jusqu'à ce qu'il sorte de dessous ses sourcils, lorsqu'il se lave les mains, les péchés qu'il a fait par ses mains sortent de ses mains jusqu'à ce qu'ils sortent de dessous ses ongles, etc. Les péchés faits par chaque membre, Inch'Allah, sont expiés par les ablutions en raison de celles-ci. Inch'Allah. L'auteur dit ensuite, rahmatullahi alayh, « La yassihu l'wudu'u wa la ghayruhu min al-ibadati illa an yanwiyah » لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. Les ablutions ni toute autre adoration sont authentiques tant que la personne n'en émet pas l'intention. Que veut dire l'auteur par cette expression là? لا يصح الوضوء. L'وضوء n'est pas authentique, n'est pas valide. ولا غيره من العبادات. Ni toute autre adoration. Que ce soit la prière, que ce soit la sadaqa, que ce soit le hajj, que ce soit le jeûne, toute adoration n'est pas valide tant qu'elle n'est pas précédée par une intention. Et quand on parle d'intention, il y a deux types d'intentions. Il y a la première qui est l'intention générale en lien avec al-ikhlas, avec la sincérité. Que cet acte-là que l'on va faire, que ce soit les ablutions, la prière, une aumône, le pèlerinage, tout acte légiféré par Allah subhanahu wa ta'ala et le prophète alayhi salatu wa sallam doit être seulement et uniquement pour Allah. Mais le cheikh, ici l'imam, ne vise pas cette intention-là. Quand on étudie la jurisprudence donc des ablutions, on va voir l'intention spécifique concernant l'ablution. Tout comme on va voir les intentions concernant les prières ensuite. Comme on va voir les intentions concernant le hajj. L'intention en lien avec l'ikhlas, la sincérité, elle est étudiée dans un autre domaine qui est at-tazkiya, la purification de l'âme. Donc ici, l'imam, il ne vise pas cette intention-là, même si elle est sous-entendue, car si les ablutions ne sont pas faites pour Allah subhanahu wa ta'ala, elles ne sont pas acceptées, elles ne sont pas valides. Mais l'intention que vise ici l'auteur, c'est qu'est-ce que je vise à travers cet acte qui sont les ablutions. Qu'est-ce que je vise à travers cet acte qui va être ma salat, par exemple, du dhuhr? Pourquoi est-ce que je vais faire 4 rak'a en m'inclinant, en me prosternant, en faisant un tashahoud, en faisant un salam, deux salam, etc. Qu'est-ce que je vise à travers cela? Donc ici, ce que l'on vise à travers cet acte qui est al-wudu, les ablutions, c'est raf'ul hadath. C'est l'enlèvement du hadath. On avait expliqué qu'est-ce que al-hadath. Le hadath, c'est une notion... Donc immatériel, c'est une impureté immatérielle, donc qui empêche de faire la prière, qui empêche de toucher le Coran, qui empêche de faire le tawaf. Donc c'est une impureté immatérielle que l'on va voir, inshallah, lorsqu'on va étudier nawaqidul wudu, les actes annulatifs, donc des ablutions. Donc lorsque je fais mes ablutions, je mets l'intention d'enlever le hadath. C'est ça mon intention. J'ai quelque chose qui m'empêche de prier. J'ai émis des gaz. J'ai dormi un sommeil profond. J'ai mangé de la viande de chameau. Donc, quand j'ai ce hadith-là, là on a parlé de hadith asrar, de petit hadith, lorsque je vais faire mes ablutions, je mets l'intention d'enlever ce hadith-là, cet empêchement qui m'interdit la prière ou autre. Et an-niyya, donc l'intention, en islam, elle a plusieurs objectifs. Le premier, c'est différencier al-adat, les habitudes, des ibadat, des adorations. On prend le jeûne par exemple. Le jeûne, c'est l'abstention de boire, manger et d'avoir des rapports charnels du lever du soleil jusqu'à son coucher, avec l'intention de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si cette abstention a lieu, qu'une personne donc ne mange pas, ne boit pas, n'a pas de rapport, mais pour simplement faire un régime, simplement pour une autre raison que l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce que ceci est appelé un siyam shar'i? Est-ce que c'est un siyam législatif qui entre dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala? Non. Pourquoi? Car il n'y a pas d'intention. Mais ce même délaissement, donc de boissons et de nourriture, de l'aube jusqu'au coucher du soleil, s'il est fait avec l'intention de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceci devient alors un jeûne législatif. Donc ça, c'est le premier objectif. La différenciation entre les habitudes mondaines et les adorations vouées à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il y a aussi l'objectif de différencier les adorations entre elles. On prend pour exemple la prière du dhuhr et la prière du asr, qui sont toutes deux composées de quatre unités faites à voix basse. Est-ce que l'on peut différencier donc deux prières simplement par l'extérieur, ces deux prières-là? Est-ce qu'on peut les différencier simplement en observant la personne? Est-ce qu'en observant une personne priant donc quatre rakat à voix basse, on peut savoir est-ce qu'il fait le dhuhr ou est-ce qu'il fait le asr? Mais qu'est-ce qui différencie cela auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala? Donc c'est l'intention. C'est l'intention. Donc l'intention a pour objectif de différencier les habitudes mondaines des adorations et les adorations entre elles. Donc en émettant l'intention du dhuhr, la prière est comptée comme dhuhr, et en émettant l'intention de faire le asr, cette même prière qui va être faite avec les mêmes invocations, je peux même lire les mêmes chapitres. Ça peut être une photocopie à 100% du dhuhr, mais celle-ci sera comptée asr, et la seule différenciation possible se fera au niveau de l'intention. La différenciation sera faite au niveau de l'intention. Donc ça, c'était concernant la parole du shaykh, la yassih al-wudu, l'wudu n'est pas valide, wa la ghayruhu min al-ibadat, ni toute autre adoration, illa an yanwiyah, jusqu'à ce qu'il en émette, sauf s'il en émet l'intention. Li qawli rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, en raison de la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, innama al-a'malu bin niyyat. Les actes, donc, sont fonction de leur intention. Les actes ne valent que par les intentions. Wa innama li kulli mar'in ma nawa, et chaque individu n'aura pour lui que ce qu'il aura eu l'intention de faire. Ce hadith-là, il est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et l'expression ici apportée par l'auteur est celle d'Al-Bukhari. Et ce hadith-là, il a été cité par le prophète alayhi salatu wassalam, car une personne donc a voulu faire l'égir pour se marier à une femme qui s'appelait Ummu Qais. Et le prophète alayhi salatu wassalam a donc cité cette parole à ses compagnons, radiyallahu anhum, pour leur rappeler que la hijra, qui est donc le délaissement d'une terre de mécréance pour regagner une terre dans laquelle les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala sont appliquées, une terre de croyance, doit se faire seulement et uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala, et non pas pour se marier à une femme, comme c'était le cas de cette personne qui voulait aller se marier à cette femme, Ummu Qais. Donc il leur a dit, innamal a'malu bin niyyat, les actes ne valent que par leurs intentions, que par les intentions. Wa innama li kulli mar'in ma nawa. Et chaque individu sera récompensé en fonction de ce qu'il aura eu l'intention de faire. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Celui dont l'hijra, la hijra, est pour Allah et son messager. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Celui dont l'hijra est vers Allah et son messager, c'est-à-dire pour Allah et son messager. فَهِجَرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Son hijra est donc pour Allah et son prophète. وَمَنْ كَانَتْ هِجَرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا. Et celui dont la hijra est pour une part de ce bas monde qu'il veut obtenir, أَوْ إِمْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا, ou pour une femme avec laquelle il veut se marier, فَهِجَرَتُهُ إِلَى مَا هَجَرَ إِلَيْهِ. Sa hijra est donc et pour la cause qu'il a poussé à la faire. Et ce hadith-là, c'est une base dans notre religion. L'imam Shafi'i a dit que notre religion tournait autour de deux hadiths. Le premier, celui-là. Et le second, le hadith de Aïcha radiallahu anha, dans lequel elle dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Dans une version: Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Le deuxième hadith sur lequel est fondée notre religion, c'est le hadith de Aïcha radiallahu anha, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Celui qui invente quelque chose dans notre religion, cela est réfuté. Et dans une autre version: Man amila amalan laysa alayhi amruna, celui qui fait un acte dont il n'a pas reçu l'ordre, c'est-à-dire qui est une innovation, fahuwa rad, c'est réfuté. Pourquoi est-ce que l'imam Shafi'i dit que la religion tourne autour de ces deux hadiths? Le hadith donc de Omar ibn al-Khattab qu'on vient de citer, qui est dans notre texte: les actes ne valent que par les intentions et chacun sera récompensé en fonction de ce qu'il aura eu l'intention de faire. C'est un hadith qui renvoie donc aux intentions, aux intentions, aux actes du cœur, qui sont la base. Donc s'il y a perversion à ce niveau-là, le fait que l'acte extérieur soit en accord avec la législation sera vain, sera inutile. Donc il faut obligatoirement, avant de penser à ce que l'acte soit en accord avec la législation, avec le Coran et la Sunna extérieurement, il faut d'abord qu'intérieurement, cet acte soit fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut que cet acte soit fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, le hadith de Aïcha radiallahu anha qu'on a cité, nous montre qu'il faut, pour que l'acte soit accepté, qu'il soit en accord avec la législation, le Coran et la sunna. Et c'est ce qu'on appelle un amal salih. Le amal salih, l'acte pieux, c'est celui qui est fait pour Allah subhanahu wa ta'ala, mais pas seulement cela, qui est aussi fait en accord avec la législation. Allah subhanahu wa ta'ala dit: فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Que celui qui espère en la rencontre de son Seigneur, qu'il fasse donc فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, qu'il fasse des actes pieux, وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا, et qu'il n'associe rien à l'adoration de son Seigneur. Donc quelle est l'intention que l'on met quand on fait nos ablutions? C'est important. Quelle est l'intention que l'on met? Raf'ul hadith, enlever le hadith. Donc quand j'arrive devant mon pot d'eau, je mets l'intention simplement d'enlever cet empêchement qui m'interdit donc de prier ou de toucher le Coran ou autre. Parce que certaines personnes restent devant le pot d'eau 3 minutes à philosopher, à chercher je ne sais quoi, à chercher leur intention. Une intention, ça ne se cherche pas comme ça 3 minutes. Là, on est en train d'ouvrir une porte au SOS, aux insufflations de Satan. Après, comme on a dit, par rapport à la porte de la bienséance des besoins, on risque de tomber malade. L'intention, elle est simple. Et ça, on le remarque, ça. Que des gens, quand ils étudient, ils commencent à être pleins de wiswas. Et ce n'est pas le but des études. La science, elle te rapproche d'Allah, subhanahu wa ta'ala. La science, elle te raffermit dans le Coran et la Sunna. Si après un dars, je commence à mettre 3 minutes à trouver ma niya devant mon pot, c'est qu'il y a un problème. Soit le dars est mal fait, soit la personne n'a pas compris ce qui a été dit. Donc quand on a son eau devant soi, on met l'intention de manière naturelle et ensuite on commence ses ablutions. Et ça, les gens l'ont souvent naturellement. L'intention, c'est la réponse à la question: pourquoi tu fais cet acte-là? Pourquoi tu fais tes ablutions? Donc si tu vois quelqu'un faire ses ablutions, se laver 3 fois la main, se rincer la bouche, le visage, pourquoi tu fais ça? Et il répond: pour me rafraîchir. Ces ablutions, elles ne sont pas valides. Mais si jamais il dit, c'est pour pouvoir faire la prière, eh bien c'est bon, ça c'est suffisant, c'est accepté. Ce n'est pas à peine de lui demander: est-ce que tu sais, ça veut dire quoi, raf'ul hadith, enlever le hadith? S'il dit non, alors tes ablutions sont invalides. Il faut que tu apprennes ce que c'est raf'ul hadith. Non, la majorité des musulmans ne savent pas ça veut dire quoi, raf'ul hadith. Ils ne savent même pas ce que c'est qu'un hadith. Beaucoup de musulmans, tu vas les voir, tu leur dis: c'est quoi un hadith? Dis: je ne sais pas. Pas parce que c'est de l'arabe, même en français, tu dis: c'est quoi une impureté immatérielle? Dis: je ne sais pas. Donc est-ce que la non-connaissance de ça fait que ces ablutions sont invalides? Non, bien sûr. Donc l'islam est simple, laissons-le simple, Inch'Allah. Thumma yaqul, puis il dit Bismillah. Ensuite, la personne, donc, après avoir émis son intention, donc l'intention précède l'acte, précède les ablutions, ensuite l'individu dit Bismillah. Et cette expression-là, donc c'est une sunna, comme on va voir. Ensuite, ce n'est pas une obligation. C'est une sunna chez la majorité des savants. Car le hadith, donc mentionnant al-basmala, le fait de prononcer le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala avant de faire ses ablutions, est un hadith faible chez la majorité des savants. C'est un hadith rapporté par Abi Sa'id, radiyallahu an. Anna al-Nabiya sallallahu alayhi wa sallam a qal, la wudu'a liman lam yadhkur isma Allah alayhi, rawahu al-khamsa illa al-nasa'i. Idhan al-tasmiyatu mustahabbatun ala sahih. Donc Abu Sa'id radiyallahu anhu dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: pas d'ablution pour celui qui ne prononce pas le nom d'Allah sur celle-ci. Le hadith est rapporté par les cinq sauf An-Nasa'i. Qui sont les cinq sauf An-Nasa'i? Al-Imam Ahmed, Al-Tirmidhi, Abu Daoud, Ibn Majah. Donc c'est les quatre des Sunan plus Ahmed, mais on enlève An-Nasa'i ici. Ce hadith-là, il est faible chez la majorité écrasante des savants. L'imam Ahmed a dit qu'il n'y a rien d'authentique concernant Al-Basmala, le fait de dire Bismillah au début des ablutions. Et même si on dit que le hadith est authentique, le fait que de nombreux compagnons aient détaillé les ablutions du prophète alayhi salatu wa salam sans y mentionner Bismillah, comme Abdullah ibn Zayd, Uthman radiyallahu an, Abu Huraira radiyallahu an, des grands compagnons qui ont détaillé les ablutions du prophète alayhi salatu wa salam et qui même à la fin, de nombreux hadiths disaient ceci et les ablutions du prophète alayhi salatu wasalam, comme on va le voir, ne disaient jamais bismillah. La basmala, l'expression bismillah, est rapportée seulement dans ce hadith-là. Donc même si le hadith était authentique, le fait que de nombreux compagnons aient rapporté de manière détaillée les ablutions du prophète alayhi salatu wasalam sans mentionner bismillah, fait que le fait de dire bismillah est recommandé et non pas obligatoire. Et là où doa, la wudu'a, ça c'est une négation, pas d'ablution. À la base, quand le prophète alayhi salatu wa sallam dit la wudu'a, ça veut dire pas d'ablution valide. Pas d'ablution valide. La wudu'a, c'est-à-dire pas d'ablution valide pour celui qui n'évoque pas le nom d'Allah sur celle-ci. Et pourquoi est-ce que même si le hadith était authentique, ce ne serait pas la validité ici qui est rejetée? Qui répond? Je vais voir si vous êtes attentifs. Les compagnons, ils l'ont pas dit. Voilà, parce que les compagnons qui ont détaillé les ablutions du prophète alayhi salatu wa sallam n'ont pas mentionné Basmala. Donc ça va être un degré moindre qui est pas d'ablution complète. Pas d'ablution complète pour celui qui n'évoque pas le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala sur celle-ci. Mais si on n'avait que ce hadith-là, on n'avait pas d'autres compagnons qui avaient décrit les ablutions de manière détaillée sans mentionner Bismillah sur ces ablutions-là, on serait obligé de dire pas d'ablution valide. Car la base, lorsque le prophète alayhi salatu wasalam rejette l'acte, c'est qu'il en rejette la validité. Et on ne peut pas, par goût ou plaisir, dire que c'est pas d'ablution complète. Non, c'est le rejet de la validité avant d'être le rejet de la complétude. Et pour dire que ce n'est pas un rejet de validité, mais que c'est un rejet de complétude, il faut des textes extérieurs du Coran ou bien de la sunna du prophète alayhi salatu wasalam. Ça c'est concernant Bismillah. Et Bismillah, quand est-ce qu'on le dit? Avant le lavage des mains. Avant le lavage donc des mains qui se fait trois fois au début, jusqu'au poignet. Je ne parle pas du lavage des bras. Donc ça se dit au début. Et si jamais on a oublié, on peut le dire même jusqu'à la fin des ablutions, notamment concernant l'avis qui dit que c'est recommandé, qui est l'avis que nous choisissons, Inch'Allah, en suivant l'imam Ibn Qudama, rahimahullah. Donc celui qui a oublié de dire Bismillah au début, et s'il s'en rappelle au moment du rinçage de la bouche, il le dit à ce moment-là. Même s'il s'en rappelle juste avant de laver son pied gauche, il le dit à ce moment-là. Et s'il l'a oublié, il a fait ses ablutions sans dire Bismillah, ses ablutions sont valides. Bi-iznillahi azza wa jal. Mais comme il y a une partie de savants qui disent que c'est une obligation et que les ablutions sont invalides si on ne dit pas Bismillah, il faut faire l'effort de le dire. Et on se rappelle, hein, ce conseil mutuel, la sunna, elle n'est pas faite pour être délaissée. Si nous on dit que Bismillah c'est sunnah, c'est pas pour que tu puisses ne pas le dire, ce n'est pas ça l'objectif. Bien au contraire, tu dois être heureux d'entendre qu'une parole ou un acte est sunnah pour pouvoir te démarquer de tes frères et sœurs par cet acte-là. Et mon serviteur, dans le hadith Qudusi, ne cesse de se rapprocher de moi par les œuvres surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Donc c'est en se rapprochant d'Allah subhanahu wa ta'ala par les sunnan qu'on va être aimé. Ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime le plus, ce sont les obligations, certes, mais la différence se fait par les sunnahs. Donc quand j'entends qu'un acte ou une parole est une sunnah, je dois, inshallah, m'y cramponner. Donc on dit Bismillah avant de commencer le lavage des mains, mais si on l'oublie, on a jusqu'à la fin des ablutions. Et si on oublie cette expression-là, nos ablutions sont Inch'Allah valides. Et si le hadith a dit Bismillah, il faut s'arrêter à Bismillah. On n'ajoute pas Bismillahir Rahmanir Rahim. On ne le dit pas deux fois ou trois non plus, comme c'est le cas de certaines personnes. Ils disent Bismillah, Bismillah, deux fois ou bien trois fois avant de commencer leurs ablutions. Et on ne rajoute pas non plus Ar-Rahman et Ar-Rahim. Et une autre expression n'est pas légiférée avant les ablutions. وَيَغْسِلُ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا. Puis il lave ses deux mains trois fois. وَيَغْسِلُ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا. وَالْكَفْ, donc ici, ce qui est visé par le kef, c'est la main jusqu'au poignet. De l'extrémité des doigts jusqu'au poignet. Et il se lave les deux mains trois fois. Et ceci a été rapporté donc dans de nombreux hadiths. Et nous, on va rapporter un hadith de Uthman, radiallahu anhu, qui va nous donner plusieurs actes. Donc, durant le cours, je vous dirai comme il a été mentionné dans le hadith de Uthman. Car ici, l'imam Ibn Qudama nous décrit les ablutions du prophète, alayhi salatu wassalam. Et les actes se rejoignent souvent dans les mêmes hadiths. Donc, je ne vais pas citer plusieurs fois le même hadith. Donc, quand je dirai le hadith de Uthman, c'est celui-là que l'on va citer maintenant, Inch'Allah. عن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه رأى عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل كل رجل ثلاثا ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا وقال إذن النبي عليه الصلاة والسلام من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه متفق عليه. حمران كيتيا serviteur de Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Il dit qu'il a vu Uthman ibn Affan radiyallahu anhu demander un wadou. C'est quoi le wadou? Il a demandé donc de l'eau pour pouvoir faire ses ablutions. Il a donc versé sur ses deux mains de l'eau. Il a versé de l'eau sur ses deux mains et les a lavées trois fois. Donc il a lavé trois fois ses deux mains jusqu'au poignet. Puis il a fait pénétrer sa main droite dans l'eau et ensuite s'est rincé la bouche. S'est rincé le nez, a fait pénétrer donc de l'eau dans son nez en inspirant et l'a rejeté en expirant. Puis il a lavé son visage trois fois et ses deux mains jusqu'au coude, donc ses deux avant-bras jusqu'au coude trois fois. Puis a essuyé sa tête, puis il a lavé chaque pied trois fois et a ensuite dit « J'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire ses ablutions tout comme je viens de les faire à la manière de mes ablutions-ci. » وقال, et il a dit ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui fait ses ablutions, tout comme je viens de les faire, donc à la manière dont je viens de les faire, puis qui prie deux unités de prière, durant lesquelles il ne parle pas lui-même, لا يحدث فيه ما نفسه, il ne parle pas à son âme, donc il ne se raconte pas lui-même des choses, غفر الله له ما تقدم من ذنبه, Allah lui pardonne ses péchés précédents, unanimement reconnu, authentique. Le shahid, donc le passage témoin de ce qu'a dit le shir Ibn Qudama, c'est-à-dire qu'il lave ses mains trois fois, c'est lequel? C'est le passage dans lequel Uthman radiyallahu an a versé de l'eau sur ses deux mains et a lavé donc trois fois ses mains jusqu'au poignet. Et ça, c'est une sunnah. Ça, c'est une sunnah et ce n'est pas une obligation. Le hadith est rapporté par le Bukhari Muslim. Ça, c'est une sunnah, sauf lorsque l'on se lève du sommeil, comme on l'avait vu. Hein? Comme on l'avait vu dans la première porte, dans le premier chapitre. Dans le hadith d'Abu Huraira, radiyallahu anhu, dans le Bukhari Muslim, le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, lorsque l'un d'entre vous se lève de son sommeil, qu'il ne trempe pas sa main dans le récipient avant de l'avoir lavé trois fois, car il ne sait pas où sa main a passé la nuit. Donc le prophète alayhi salatu wassalam a rendu obligatoire le lavage trois fois de la main avant de les mettre dans le récipient lorsqu'on se lève du sommeil. Donc ici le lavage est obligatoire. lorsqu'on se lève du sommeil. ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا. ثم يتمضمض. Puis il fait la madmada. Qu'est-ce que al madmada? Dans la langue arabe, c'est التحريك, الحركه, c'est le mouvement. تمضمضت الحية في جحرها. On dit la vipère. تمضمضت الحية. La vipère a fait al madmada dans son trou. Ça veut dire qu'elle a bougé. Elle a bougé avec vivacité, avec énergie. Et al madmada, donc ici dans l'istilah, dans le sens consensuel, dans le sens législatif, la madmada, c'est le fait de bouger l'eau dans sa bouche, faire tourner l'eau dans sa bouche, et ensuite le recracher. Donc il y a madmada si jamais je fais bouger l'eau. Si je fais pénétrer l'eau simplement dans ma bouche, et je ne fais pas bouger l'eau dans ma bouche et je le recrache, il n'y a pas de ce n'est pas une madmada. Donc il faut obligatoirement faire bouger l'eau, tourner cette eau dans sa bouche et la recracher ensuite. Certains savants disent que si elle est avalée aussi, ce n'est pas valide. Donc c'est le fait de mettre de l'eau dans sa bouche, la faire tourner et ensuite la recracher. Puis ensuite, il fait la madmada. وَيَسْتَنْشِقُ ثَلَاثًا. Et il fait l'istinshaq trois fois. Qu'est-ce que l'istinshaq? Qu'est-ce que le fait de faire l'istinshaq? C'est جَدْبُ الْمَاءِ إِلَى أَعْلَى الْخَيَاشِيمِ بِالنَّفَسِ. C'est le fait d'aspirer de l'eau. L'istinshaq, nous on va le traduire par le fait d'aspirer de l'eau. C'est faire pénétrer l'eau dans son nez, mais par, donc, inspiration. ثلاثا, trois fois. Il n'a pas dit ويستنثروا. Il n'a pas parlé de l'istinthar, qui est le fait de rejeter. Le fait de rejeter cette eau. Pourquoi? Parce que l'istinshaq, il est aussi utilisé pour ces deux opérations-là. Le fait de faire pénétrer l'eau, donc par inspiration, et de le rejeter par expiration nasale. Donc l'istinshaq, parfois, c'est utilisé simplement pour parler de la première étape, qui est l'inspiration d'eau dans le nez, et aussi parfois pour décrire les deux étapes qui sont le fait d'inspirer de l'eau dans son nez et de le rejeter, de la rejeter par expiration. Ceci doit se faire trois fois. Et ça a été cité dans le hadith de Uthman. Donc je vous renvoie au hadith de Uthman dans lequel il a dit que Humran, rahimahullah, a dit que Uthman, radiyallahu anhu, avait fait cela. Il avait inspiré de l'eau et ensuite l'avait rejeté. Mais on a d'autres hadiths qui vont nous décrire comment est-ce que l'on va faire, donc l'istinshaq, comment est-ce qu'il va se faire. Car le cheikh ensuite, qu'est-ce qu'il a dit? ثُمَّ يَتَمَضْمَضُ وَيَسْتَنْشِقُ ثَلَاثًا يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا بِغَرْفَةٍ أَوْ ثَلَاثٍ. Donc il fait la madmada et l'istinshaq et il réunit ces deux actes. La madmada et l'istinshaq بِغَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ, avec une seule poignée d'eau. أَوْ ثَلَاثٍ, ou bien avec trois. Le prophète alayhi salatu wassalam faisait la madmada et l'istinshaq, ces deux actes-là, avec une seule poignée d'eau. Il prenait une poignée, il mettait, donc il prenait de cette poignée d'eau, de l'eau dans sa bouche, faisait tourner cette eau-là, la recrachait, et ensuite, avec l'eau restante, il mettait l'eau restante dans son nez, inspirait, et ensuite, il rejetait cette eau par expiration nasale, en s'aidant de la main gauche, comme on va le voir. Il faisait ça, donc, ces deux actes, avec une poignée d'eau. Il refaisait ces deux actes avec une autre poignée d'eau. Et refaisait encore ces deux actes avec une poignée d'eau. Donc combien est-ce qu'il utilisait le prophète alayhi salatu wa salam? Trois poignées d'eau. Sallallahu alayhi wa salam. Pour faire ces six actes-là. Donc il prend une poignée d'eau, se rince la bouche, se rince le nez. Il reprend une poignée d'eau, se rince la bouche, se rince le nez. Il reprend une poignée d'eau, se rince la bouche et se rince le nez. Ce que font la majorité aujourd'hui des gens, comme on l'observe. Une poignée pour la bouche, une poignée pour le nez. Une poignée pour la bouche, une poignée pour le nez. Une poignée pour la bouche, une poignée pour le nez. Ça n'a pas été rapporté dans la sunna, ça. Allah a'alam, ça n'a pas été rapporté. Mais ça reste permis, certains jurisconsultes l'ont dit, ça reste permis notamment parce que la manière du prophète alayhi salatu wassalam est une sunna. C'est une sunna. Donc ça reste permis, mais ce n'est pas une sunna d'utiliser six poignées. Wallahu a'lam. Et il y a une autre manière qui est acceptable par certains hadiths, mais qui reste aussi faible, pas par rapport à la chaîne de transmission, mais faible par rapport à l'acceptation. Est-ce que le hadith permet, accepte ou pas? linguistiquement de est-ce qu'on peut tirer cette manière-là? C'est de faire les 6 actes avec une seule poignée d'eau. Avec une seule poignée, se rincer la bouche puis le nez, se rincer la bouche puis le nez, se rincer la bouche puis le nez. Avec une seule poignée d'eau. Ça, c'est acceptable par certains hadiths, mais moins que ce que nous avons dit, qui est le fait de se rincer avec 3 poignées d'eau. Donc lui, il a dit, le shaykh, rahimahullah, yajma'u baynahuma bi gharfatin aw thalath. Donc il le fait avec donc une seule poignée d'eau, aw thalath, ou bien avec 3 poignées d'eau. Avec 3 poignées d'eau. Mais le plus authentique, donc, pour qu'on sorte avec une idée claire, c'est d'utiliser 3 poignées d'eau. La première pour se rincer la bouche puis le nez, la deuxième pour encore se rincer la bouche et le nez, et la troisième pour encore se rincer la bouche et le nez. C'est clair, mes frères? C'est clair? Donc ça, c'est la sunna. Sunna à faire revivre, que beaucoup de gens n'utilisent pas et ne pratiquent pas. Donc de quoi est-ce que l'on tire? De quel hadith on tire ce que l'on vient de dire? Le premier, c'est le hadith d'Abdullah ibn Zayd. Abdullah ibn Zayd, il a rapporté de nombreux hadiths concernant la description des ablutions du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce hadith que nous allons citer est dans le Bukhari ou Muslim. Et c'est un long hadith. Nous, on prend la partie qui nous intéresse concernant la notion ici évoquée. ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفٍ وَاحِدَةٍ فَفَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثًا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. Abdullah ibn Zayd, donc, il dit, il décrit les ablutions du prophète alayhi salatu wasalam en disant, puis il fit pénétrer sa main, c'est-à-dire dans l'eau, fastakharajaha, et la fit sortir, famadmada, il rinça sa bouche, wastanshaqa, puis rinça son nez, min kaffin wahida, d'une poignée, fafa'ala dhalika thalathan, et fit cela 3 fois. Je répète le hadith, puis il fit pénétrer sa main, et la sortit, se rinça la bouche, puis le nez, avec une seule poignée d'eau, il fit cela 3 fois. Donc combien est-ce que de poignées ont été utilisées dans ce hadith? 3. 3 poignées d'eau pour le rinçage de la bouche et du nez. Et le hadith est unanimement reconnu authentique. C'est-à-dire qu'il est dans Al-Bukhari ou Muslim. La madmada, c'est le rinçage de la bouche. Al-istinshaq, c'est le fait de faire pénétrer de l'eau par inspiration dans son nez. Et al-istinthar, c'est le fait de rejeter l'eau par expiration nasale. Et on utilise la main gauche pour rejeter l'eau. Pour faire pénétrer l'eau dans la bouche, on utilise la main droite. Pour la faire pénétrer dans le nez, on utilise la main droite. Et lorsqu'on va expirer, on cède de la main gauche pour pouvoir faire sortir cette eau-là. Cela se trouve dans le hadith suivant. An Ali radiyallahu anhu, annahu da'a biwadu, fatamadmada, wastanshaqa, wa nathara biyadihi al-yusra, fafa'ala hadha thalathan, thumma qal, هذا طهور نبي الله صلى الله عليه وسلم رواه أحمد والنسائي. Selon Ali radiyallahu anhu, donc il a demandé un wadou. Maintenant on a compris, il a demandé un wadou. Fatamadmada, il se rinça la bouche. Wastanshaqa, il se rinça le nez. Wanathara, et il rejeta donc l'eau qui se trouve dans le nez. Biyadihi al-yusra, avec sa main gauche. فَفَعَلَ هَذَا ثَلَاثًا, il fit cela 3 fois, puis dit هَذَا طُهُورُ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ, ceci est la purification du prophète d'Allah صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Le hadith est rapporté par Ahmed et An-Nasa'i. Un autre hadith nous montrant aussi comment utiliser, le nombre de poignées à utiliser, je le rapporte aussi, il est intéressant. عن عمر بن يحيى المازني عن أبيه قال شهدت عمر ابن أبي الحسن رحمه الله سأل عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وفيه. إذن الحديث طويل, نأخذ المقطع الذي يعنينا. فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات, متفق عليه. Donc عمر ابن يحيى المازني rapporte que son père a dit, j'ai vu Omar ibn Abi al-Hassan demandait à Abdullah ibn Zayd, donc celui qui a de nombreux hadiths au sujet de la description des ablutions du prophète alayhi salatu wa salam. Donc j'ai vu Omar ibn Abi al-Hassan demander à Abdullah ibn Zayd au sujet des ablutions du prophète sallallahu alayhi wa salam. Donc le hadith est long, nous on rapporte simplement la partie nous intéressant concernant les poignées à utiliser pour faire l'istinshaq et la madmada. Donc il dit famadmada, il se rinça la bouche, wastanshaqa, et le nez, wastanthara thalathan, et il rejeta donc l'eau de son nez 3 fois. Donc il fait trois fois la madmada, l'istinshaq et l'istinsar, bithalath et gharafat, avec trois poignées d'eau. Donc ce hadith est aussi très clair concernant le fait d'utiliser trois poignées d'eau pour faire la madmada, l'istinshaq et l'istinsar, qui sont le lavage de la bouche et du nez. Muttafaqun alayhi, le hadith est rapporté par Al-Bukhari wa Muslim. Nous continuons le texte du shaykh, rahimahullah. Thumma yaghsilu wajhahu thalathan. Concernant la madmada et l'istinshaq, c'est une sunna comme on va le voir. Ensuite, je ne m'attarde pas ici sur le statut des actes. Est-ce que c'est sunna ou pas? Car ensuite, on va avoir une partie complètement consacrée à cela. Donc ici, on va s'arrêter simplement, inshallah, pour gagner du temps. On va s'arrêter à la description des ablutions. Thumma yaghsilu wajhahu thalathan. Puis il lave son visage trois fois. Min manabiti sha'li ar-ra's. En commençant de la racine des cheveux, donc au niveau du front, il a man hadara min al-lihyaini, jusqu'au bas des deux mâchoires, donc les deux os composant le bas du visage, wa dhaqni, et le menton. Donc ça, c'est la limite, l'extrémité en bas du visage, les deux mâchoires ainsi que le menton. Il a osul al-udhunayn, et jusqu'au tragus, qui sont là les deux petits morceaux qu'on a au niveau des oreilles. Donc ici, l'imam Ibn Qudama, rahimahullah, décrit le lavage du visage. Thumma yaghsilu wajhahu thalathan. Donc il doit laver son visage trois fois. Le lavage du visage doit se faire aussi trois fois. Qu'est-ce que le visage? Le visage, c'est ma tahsulu bihi al-muwajaha. C'est ce pas avec quoi on fait face. Dans la langue arabe, c'est ce avec quoi on fait face. Et même dans la législation, c'est ce avec quoi on fait face en partant de la racine des cheveux. Donc au niveau du front, jusque au bas des deux mâchoires, donc au bas de la mâchoire et le menton au milieu, donc au bas milieu du visage. En largeur, c'est d'un tragus à l'autre, du début d'une oreille jusque au début de l'autre oreille. Ça, c'est en largeur. Ça, c'est ce qu'on appelle le visage, al-wajh. Et ce lavage-là, donc, on doit le faire trois fois. Et c'est une obligation, comme on va le voir. On a dit, en haut, l'extrémité, c'est la racine des cheveux. Pour quelqu'un qui est chauve, ou bien qui a les cheveux qui poussent un peu plus loin que la limite donc habituelle des cheveux, qui est lorsque il y a le début de la chute du front. C'est ça, la racine des cheveux. Pour une personne qui n'a pas ses cheveux qui poussent, il doit laver, lui, donc, à la limite habituelle des cheveux. Il ne doit pas remonter jusqu'au début de ses cheveux si jamais les cheveux poussent un peu plus loin. Il ne doit pas remonter jusqu'à ses cheveux-là. Il doit simplement laver à la racine habituelle des cheveux, qui est vraiment le haut du front, la limite entre le front et le haut du crâne. Et pour quelqu'un qui a des cheveux qui poussent donc plus que la moyenne et qui poussent sur le front. Donc si jamais ces cheveux-là poussent de manière prononcée et qu'ils ne laissent pas apparaître la peau, donc il lave son visage en lavant ses cheveux qui sont sur son front. Et il n'est pas obligé de frictionner parce qu'on ne voit plus la peau du front qui est recouverte. En revanche, si les cheveux sont légers et qu'on voit la peau du front, il est obligé donc de laver jusqu'à la racine habituelle. Donc il va recouvrir les cheveux qui poussent de manière anormale, entre guillemets. Et il va être obligé donc de frictionner là pour faire pénétrer l'eau jusqu'au niveau de la peau. Pourquoi? Parce que l'on voit donc la peau du front, et ce sera le même cas pour la barbe comme on le verra. Thumma yaghsilu wajhahu thalathan. Puis il lave son visage trois fois, donc de la racine des cheveux jusqu'au bas de la mâchoire et au menton. Donc, la limite concernant le bas du visage, c'est le menton et la mâchoire. Donc, on doit bien laver jusqu'à la mâchoire et au menton. Donc, passer un peu en dessous, mais pas aller jusqu'à la gorge. On ne doit pas aller jusqu'à ce qu'on appelle la nahar. On ne doit pas aller jusqu'à la gorge. Ça, ce n'est pas demandé et ce n'est même pas permis. Et en largeur d'une oreille, d'un tragus à l'autre. De la base d'une oreille jusqu'à l'autre. Donc, on ne doit pas laver les oreilles concernant le visage. Les oreilles n'entrent pas dans le visage, mais entrent dans la tête, comme on va le voir. Donc, s'arrêter au tragus, on lave jusqu'au tragus et c'est suffisant. Ce n'est pas la peine d'aller jusqu'aux oreilles, de dépasser et de faire pénétrer l'eau dans les oreilles, ce n'est pas demandé. Et ça, c'est le premier acte obligatoire là qu'on a. C'est le premier acte obligatoire qu'on a selon la parole que l'on va choisir. Les trois lavages de la main, au début, c'est une sunna. La madmada, c'est une sunna. L'istinchar, c'est une sunna. Et le lavage du visage, là, c'est une obligation. C'est un fard. Celui qui ne se lave pas le visage voit ses ablutions annulées. C'est une obligation. Car ceci est cité dans le verset d'Allah subhanahu wa ta'ala, « Ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila salah farsilu wujuhakum » Ô vous qui avez cru, lorsque vous vous levez pour la prière, lavez-vous les visages. Donc c'est la première des quatre obligations citées dans le verset de Surat Al-Ma'idah. Et ça a été cité dans le hadith de Uthman. Je vous renvoie au hadith de Uthman concernant la preuve dans la sunna en lien avec cet acte-là qui est le lavage du visage. « Wa yukhallilu lihiyatahu in kanat kathifa » Et il frictionne sa barbe si jamais elle est épaisse. Si jamais elle est épaisse, il la frictionne. Wa in kanat tasifu al-basharata lazimahu ghasluha. Et si jamais elle montre la peau, si jamais cette barbe n'est pas épaisse et qu'elle montre la peau, c'est-à-dire lorsque on regarde sa barbe, on voit la peau qui se trouve en dessous, il est obligatoire de laver donc la peau. Il est obligatoire de laver la peau. Donc là, on entre dans un point qui est la barbe. Frictionner la barbe, est-ce que c'est obligatoire? Est-ce que c'est sunna? Quel est le statut de cela? Il y a de nombreux hadiths concernant le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam frictionnait sa barbe. Mais tous, il n'y en a pas un qui est exempt de critique. Certains savants disent qu'il n'y a aucun hadith qui est authentique par rapport au fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam frictionnait sa barbe. Ces hadiths-là sont faibles chez beaucoup. On va les citer. Mais certains les ont authentifiés. Wallahu a'lam. Le premier est Afwan. An Uthman radiyallahu an. Anna al-Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kana yukhallilu lihiyatahu. Rawahu al-Tirmidhi. Wassahahu al-Tirmidhi. Qala anna hadha al-hadith sahih. Wa ibn Majah. Wa fihi Amr ibn Shaqiq. Al-Asadi. Wa da'afahu al-Kathir. Selon Uthman radiyallahu an. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam frictionnait sa barbe. Le hadith est rapporté par al-Tirmidhi qui l'a authentifié. Et il est aussi rapporté par Ibn Majah. Mais il y a dans la chaîne de transmission Amr ibn Shaqiq al-Asadi. Et la majorité des savants ont dit que c'était un rapporteur faible. Wallahu a'lam. Wa an Anas radiyallahu an. Anna al-Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam. Kana idha tawadda'a akhada kaffan min ma' fa adkhalahu tahta hanakih. Fa khallala bihi lihiyatahu wa qal. Hakadha amarani rabbi azza wa jal. Rawahu Abu Dawud. Selon Anas radiyallahu an. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il faisait ses ablutions, prenait une poignée d'eau et la faisait pénétrer donc sous sa mâchoire, sous sa mâchoire, son menton, et il frictionnait sa barbe. Et disait, c'est comme ça que m'a ordonné mon Seigneur, Azza wa Jal, rapporté par Abu Daoud, et ce hadith-là aussi est affaibli par beaucoup. Wallahu a'lam. Et certains l'authentifient. Wal'ilmu indallah. Donc si la barbe est épaisse, pour être pragmatique, si la barbe est épaisse, la frictionner est une sunna. Bi'iznillahi azza wa jal. Car ces hadiths-là sont nombreux et certains disent qu'ils sont authentiques. Donc, on garde l'avis de l'imam Ibn Qudama. C'est une sunna, incha'Allah, si la barbe est épaisse, de frictionner sa barbe. Donc, soit la frictionner lors du lavage du visage, lorsque je lave mon visage, je la frictionne avec l'eau que j'ai dans les mains, ou bien, comme il a été rapporté dans le hadith d'Anas radiyallahu anhu, prendre une poignée, donc après avoir lavé son visage, prendre une poignée indépendante et frictionner avec sa barbe. Ça, c'est si elle est épaisse. C'est une sunna de frictionner la barbe, mais c'est une obligation de laver l'extérieur de la barbe. Donc, frictionner, c'est prendre de l'eau pour faire pénétrer l'eau entre les poils de la barbe. Mais laver, donc la partie externe de la barbe, c'est une obligation ça. Car la barbe a pris la place de la peau. Et elle entre dans Al-Wajj. On a dit Al-Wajj ma tahsulu bihi al-muwajaha. C'est ce avec quoi on fait face, et on fait face avec la barbe. Et la barbe pousse sur le visage. Donc elle prend le statut de la peau qu'elle a recouverte. Donc il est une obligation de laver la partie extérieure de la barbe. Mais concernant le fait de faire pénétrer l'eau à l'intérieur des poils, si elle est épaisse, c'est une sunna. Si elle est donc pas épaisse, si elle est légère, cette barbe-là, c'est un autre statut qu'a dit l'imam en disant « lazimahu rasluha ». Il est obligatoire pour lui de la laver. De la laver quoi ? La barbe ou bien la peau ? C'est laver la peau. Donc la peau, elle n'est pas remplacée par la barbe. La barbe, elle reste simplement adjointe à la peau. Elle n'a pas pris sa place. Donc le lavage de la peau est toujours une obligation. Est toujours une obligation. Donc il va falloir laver la peau. Et le lavage de la peau ne va être possible que si l'on fait passer l'eau à travers les poils de la barbe. Donc ici, frictionner la barbe devient une obligation, car il ne peut y avoir lavage de la peau sans préalablement frictionner la barbe. Imam Ibn Ashir dit dans son poème, « Khallil asabi al-yadayni wa sha'ar wajhin idha min tahtihi al-jild bahar. » Khallil, donc, fait passer l'eau à travers asabi al-yadayni wa sha'ar, à travers donc les doigts, ça on va le voir, c'est un autre statut, c'est une sunna et pas une obligation. Wa sha'ar et les poils, wajhin, donc de la du visage, idha min tahtihi al-jild dhahar, si jamais en dessous de ces poils on voit la peau. Concernant la barbe, c'est compris, inshallah. Si elle est épaisse, on est obligé d'en laver la partie externe. Et c'est une sunna de la frictionner pour faire pénétrer l'eau à travers les poils. Et si elle est légère, et quel est le critère différenciateur entre la barbe épaisse et la légère? C'est que la légère laisse voir la peau et l'épaisse ne laisse pas voir la peau. Si elle est légère, c'est une obligation de la frictionner car il faut obligatoirement laver la peau qui se trouve en dessous. Puis il lave donc ses deux mains, mais à comprendre nous en français par les deux bras, les deux avant-bras. Il al-mirfaqayni thalathan, trois fois. Il lave ses deux avant-bras jusqu'au coude trois fois. وَيُدْخِلُهُمَا فِي الْغَسْلِ. Et il les fait pénétrer dans le lavage. Qu'est-ce qu'il fait pénétrer? Les coudes. Et il inclut les coudes dans le lavage. Donc là, on entre dans la deuxième obligation des ablutions. La deuxième obligation, qui est le lavage donc des mains, des bras. De l'extrémité des doigts jusqu'au coude. Quelle est la preuve de cela? Toujours le verset de Sourate Al-Ma'idah. Ya ayyuhal ladhina amanu idha qumtum ila salati farsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Et vos mains jusqu'aux coudes. Et les coudes sont inclus dans le lavage des mains. Donc c'est une obligation de laver ces mains-là. Une erreur qui est très fréquente. Certains pensent parce qu'ils ont lavé donc les mains jusqu'aux poignets au début des ablutions que le lavage désormais là des mains qui est demandé ici, il est suffisant de laver des poignets jusqu'au coude. Non, il est obligatoire lors de ce lavage-là, ce lavage dont on parle maintenant, de laver de l'extrémité des doigts jusqu'au coude. Celui qui lave des poignets jusqu'au coude, ses ablutions ne sont pas valides, et encore moins sa prière ensuite. Donc le lavage des mains qui s'est fait au début des ablutions, c'est une sunna. Il est recommandé. Il ne remplace pas le lavage de cette même partie-là, de l'extrémité des doigts jusqu'au poignet, lorsqu'on doit laver les bras jusqu'au coude. Donc lorsqu'on doit laver les bras jusqu'au coude, c'est de l'extrémité des doigts jusqu'au coude. Celui qui lave des poignets jusqu'au coude, pensant que le lavage du début des doigts jusqu'au poignet permet de remplacer ici cette partie-là, il voit ses ablutions invalides. ثم يغسل يديه الى المرفقين ثلاثا. Donc il lave ses deux mains jusqu'au coude trois fois, ويدخلهما في الغسل, et il fait pénétrer donc les coudes dans le lavage. Il lave les coudes. Donc il faut aller jusqu'au-dessus des coudes. Est-ce que il est permis de continuer bien au-dessus des coudes et de rajouter à cela? Allah alam, ce n'est pas légiféré. Abu Huraira radiyallahu anhu le faisait. Il le faisait, c'était un ijtihad. Donc c'était un effort de sa part. Il pensait que, puisque la parure atteint le niveau atteint par les ablutions, qu'il est alors recommandé d'aller bien au-delà donc de la limite prescrite par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais la base, c'est qu'il faut s'en tenir à la base prescrite par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a dit « il al-marafiq » jusqu'au coude, donc on s'arrête au coude. De même pour les chevilles, comme on va le voir, il n'est pas légiféré d'aller bien au-dessus des chevilles. Donc aller juste un peu au-dessus parce que laver les coudes, on est sûr d'avoir lavé les coudes que lorsqu'on les a dépassés. Lorsqu'on les a dépassés, on est sûr d'avoir lavé les coudes. Mais aller bien au-dessus, jusqu'à la moitié encore du bras qui se trouve au-dessus du coude, ou encore plus loin, aller jusqu'à l'épaule, et ça c'est rapporté, certains le faisaient, ça, wallah alam, ce n'est pas légiféré, wa l'ilmu indallah. ثم يمسح رأسه مع الأذنين. Puis il essuie sa tête avec les deux oreilles. Puis il essuie sa tête. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset Al-Ma'ida, وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ, et essuyez vos têtes avec les deux oreilles. Car le prophète alayhi salatu wa salam a dit Al-Udhunani min ar-Ras. Les deux oreilles font partie de la tête. Et on va s'attarder ensuite sur ce hadith-là plus loin, inshallah. Donc ça a été rapporté par Uthman radiyallahu anhu dans le hadith que nous avons cité en début de chapitre, je ne le répète pas. Et le cheikh ici a décrit comment est-ce que doit être essuyée la tête. Comment est-ce qu'elle doit être essuyée? Il a dit yabda'u bi yadihi min muqaddamihi. Il commence donc avec ses mains du devant de sa tête. Donc à la racine des cheveux où il s'était arrêté. À l'extrémité haute du visage, commence la tête. Yabda'u min muqaddami, il commence donc du début, donc au niveau à la limite entre le front et la tête, donc à la racine des cheveux. Et pour celui qui n'a pas de cheveux qui poussent, donc à l'équivalent de cette limite-là, s'il avait des cheveux qui poussaient à cet endroit-là, summa yumirruhuma ila qafah. Puis ensuite, il les fait passer jusqu'à sa nuque. Donc il ne va pas dans la nuque jusqu'à où s'arrêtent les cheveux au niveau de la nuque. ثُمَّ يَرُدُّهُمَا إِلَى مُقَدَّمِهِ. Puis il les ramène à nouveau, à l'endroit où il a commencé, c'est-à-dire à la racine des cheveux en haut du front. Et cette description-là, elle a été rapportée dans des hadiths par des compagnons radiyallahu anhum. Nous en citons un qui est un hadith encore de Abdullah ibn Zayd radiyallahu anhu. Ce compagnon, il est parti avec de grandes récompenses bi-iznillah, car il a rapporté de nombreux hadiths du prophète alayhi salat wa salam concernant les ablutions qui sont une condition de validité de la prière. Donc imaginez les nombreuses récompenses qu'a gagné inshallah notre frère Abdullah ibn Zayd radiyallahu anhu. An Abdillah ibn Zayd radiyallahu anhu anna Rasulallah sallallahu alayhi wa salam masaha ra'sahu bi yadayhi fa aqbala bihima وأدبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه رواه السبعة. Selon Abdullah ibn Zayd radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a essuyé sa tête avec ses deux mains. Il a commencé de l'endroit, donc il a commencé du début du devant de sa tête, puis il est parti avec ses deux mains jusqu'à la nuque, et ensuite a ramené ses deux mains à l'endroit d'où il avait commencé. Le hadith est rapporté par les sept. Qui sont les sept? Al-Bukhari au Muslim 2, plus Ahmed 3, plus les quatre Sunan, An-Nasa'i, At-Tirmidhi, Abu Daoud ibn Majah 4, 4 plus 3, 7. Rawahu Sab'a, rapporté par les sept. Ça, c'est concernant le lavage de la tête. Donc, le lavage de la tête, il se fait en commençant par le début. Au niveau de la racine des cheveux, et on va jusqu'à la nuque. Il y a des hadiths qui sont faibles, qui disent que le prophète alayhi salatu wassalam s'essuyait la nuque. Ces hadiths-là ne sont pas authentiques. Et le lavage qui est obligatoire, hein, au minimum, c'est d'essuyer toute la tête une fois. Revenir, hein, c'est recommandé, et fortement, car ça permet donc de laver l'intérieur du cheveu, car lorsqu'on est parti du front jusqu'à la nuque, c'est la partie externe, donc extérieure du cheveu qui a été lavé, et le retour permet de retourner les cheveux pour pouvoir les essuyer. Ça, c'est concernant ce qui est obligatoire de laver. Je répète, c'est de laver toute la tête. On va le voir ensuite dans les obligations. Donc les Hanafis ont dit qu'il est suffisant de laver le quart de la tête. Wallah alam, c'est invalide. Les Shafi'i ont dit trois cheveux. Dans une version du Madhhab Maliki, le tiers de la tête. Et dans une autre version du Madhhab Maliki, c'est toute la tête, et de même pour le Madhhab Hanbali. Et c'est l'avis qui est le plus authentique, car le prophète alayhi salatu wa sallam a toujours essuyé sa tête de manière entière. Concernant le lavage des oreilles, comment est-ce que on lave les oreilles ? عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه باطنهما بالمسبحتين وظاهرهما بإبهاميه رواه النسائي. Selon Ibn Abbas radiyallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a essuyé sa tête et ses deux oreilles. Donc il a essuyé sa tête et ensuite il a essuyé ses deux oreilles, l'intérieur avec les index. Donc qu'est-ce qu'on veut dire nous par intérieur? C'est ce qui est à l'extérieur, c'est ce que l'on voit. C'est ça l'intérieur des oreilles. Donc l'intérieur, c'est où il y a les circuits là. Il a essuyé cela avec ses index et l'extérieur, donc de ses oreilles, avec ses deux pouces. Donc avec les deux index, il a essuyé l'intérieur des oreilles et avec ses deux pouces, il a essuyé l'extérieur. Le hadith est rapporté par An-Nasa'i. Revenons au fait d'essuyer les cheveux pour les femmes, concernant les femmes qui ont des cheveux longs, ou bien même l'homme qui a des cheveux longs. Est-ce qu'il est demandé d'essuyer obligatoirement tous les cheveux? Ce qui est demandé d'être essuyé, c'est les cheveux qui sont donc dans la limite qui a été prescrite. Donc du front jusqu'à donc la racine des cheveux de la nuque. Donc si la femme a des cheveux qui descendent en dessous de cette limite, ou bien l'homme peut avoir des cheveux qui descendent en dessous de cette limite, mais pas trop longs, pour ne pas ressembler à la femme. Donc il n'est pas demandé d'essuyer les cheveux qui descendent en dessous de cette limite-là. Simplement laver les cheveux qui sont dans cet espace-là, ça c'est ce qui est obligatoire. Essuyer, pardon, hein, quand je dis laver, je me trompe, c'est essuyer. Donc essuyer les cheveux qui sont dans cette limite-là, c'est ça qui est obligatoire. Donc il n'est pas demandé à la femme, si elle a une queue de cheval par exemple, de la prendre et de l'essuyer complètement avec ses mains. Et de même, si elle a les cheveux qui sont noués, hein, si elle a un chignon ou ça, ce n'est pas demandé de le défaire, elle peut simplement essuyer comme ça. C'est permis bi-iznillahi azza wa jalla. Ça, c'est concernant les ablutions. Là, on n'a pas parlé du roussel, on n'a pas parlé du lavage, du bain rituel, du grand lavage que l'on verra, inshallah, plus tard. Là, il y aura dans des cas obligation de défaire ses cheveux, wallahu a'lam. Là, on parle simplement des ablutions pour l'instant. L'imam Ibn Qudama rahimahullah dit ensuite: ثُمَّ يَغْسِلُ رِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلَاثًا. Puis il lave ses deux pieds jusqu'aux chevilles trois fois. Puis il lave ses deux pieds jusqu'aux chevilles trois fois. Ça aussi, c'est mentionné dans le verset d'Al-Ma'ida. وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَأَرْجُلَكُمْ, et vos pieds إِلَى الْكَعْبَيْنِ, jusqu'aux chevilles. Qu'est-ce que sont les chevilles? Ce sont les deux os, hein. Donc ce sont les os qui sont à l'extérieur, à droite et à gauche. C'est ça ce qu'on va appeler nous la cheville, contrairement aux chiites, qui disent que la cheville c'est l'os qui se trouve au niveau du talon derrière. Et les chiites, comme vous savez, ils vont à notre rencontre au niveau du lavage des pieds sur de nombreux points. D'ailleurs, ils ne les lavent pas, ils les essuient, ils essuient leurs pieds et ne les lavent pas, et interdisent l'essuyage des choufs. L'essuyage des choufs n'existe pas chez les chiites. Pour cela que si on est parmi eux, il est demandé de faire revivre cette sunna, et c'est entré même dans la aqida d'Ahl Sunna wal Jama'a. On avait cité cela. Certains savants ont fait pénétrer dans la aqida ce point qui est l'essuyage des chaussons. L'essuyage des khouf, ça fait partie de la aqida d'Ahl Sunna wal Jama'a. On s'est différencié des chiites par ce point-là, car eux réfutent l'essuyage des chaussons. Mais par contre, ils rendent obligatoire l'essuyage des pieds et pas le lavage. Pour eux, il n'y a pas de lavage des pieds. Mais chez les gens de la sunna, les pieds doivent être lavés. Wa arjulakum, et vos pieds ila al-ka'bayn, jusque aux chevilles. Donc je vous renvoie au hadith de Othman encore, dans lequel il s'est lavé les pieds. On ne donne pas d'autres hadiths concernant les sources du lavage des pieds. Wa yudkhiluhuma fil ghasl, et il fait pénétrer donc les deux chevilles dans le lavage. Il lave les deux chevilles. Il lave les deux chevilles, il ne s'arrête pas avant, il fait pénétrer les deux chevilles dans le lavage. Et il fait pénétrer l'eau à travers ses orteils. Ça, c'est recommandé. C'est recommandé si jamais l'eau pénètre à travers les orteils sans qu'il y ait donc écartement de cela pour faire pénétrer l'eau. Mais si jamais les doigts sont collés, serrés, et que le simple fait de verser l'eau, donc sur les pieds, ne permet pas de faire pénétrer l'eau à travers les orteils, à ce moment-là, le tahlil, qui est donc le fait de faire pénétrer l'eau à travers les orteils, devient obligatoire. Ma la yatimmu al-wajib illa bihi fa huwa wajib. Si une obligation ne peut être accomplie, sans une autre notion, cette notion-là devient à son tour obligatoire. Qu'est-ce qui est obligatoire? C'est faire pénétrer l'eau dans tout le pied. Le tahlil à la base, ce n'est pas obligatoire. Mais si faire pénétrer l'eau entre les orteils, qui est une obligation, est soumise au fait d'écarter les orteils, alors à ce moment-là, écarter les orteils et faire le tahlil, ça devient une obligation. وَيُخَلِّلُوا أَصَابِعَهُمَا. Et le tahlil, donc le fait d'écarter les orteils et de faire pénétrer l'eau, la sunna, c'est de le faire avec le petit doigt. Comme ça a été cité dans des hadiths, et on le citera, inshallah, ensuite dans notre prochain dars, bi'idhnillahi azwajal, on rapportera beaucoup de hadiths. Car là, ce que nous visons simplement, c'est la description pour l'instant, sans trop s'attarder sur les diverses preuves du Coran ou de la sunna. ثُمَّ يَرْفَعُ نَظَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ. Puis il lève son regard, il lève ses yeux vers le ciel. فَيَقُولُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. Et il dit, j'atteste qu'il n'y a de divinité qu'Allah, seul, sans associé, et j'atteste que Muhammad est son serviteur et son messager. Le hadith est rapporté par Muslim concernant l'invocation, concernant le fait de lever les yeux en direction du ciel. Ça, c'est un ajout qui est chèvre, qui est singulier, qui est donc faible, qui a été rapporté dans une version de l'imam Ahmed rahmatullah alayh. Donc ce n'est pas légiféré. Après les ablutions, il n'est pas légiféré de lever les yeux en direction du ciel pour dire cette dua là. En revanche, la dua ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, ça c'est authentique. Et quelle est la récompense de cela? Futihat lahu abwabul jannati thamaniya wa qila lahu udkhul min ayyiha shi't. Les 8 portes du paradis lui sont ouvertes et on lui dit, entre par celle que tu veux. Celui qui fait ses ablutions et qu'il est parfait et qui ensuite dit cette invocation-là, voit les 8 portes, incha'Allah, ya Rab. Il voit les 8 portes du paradis ouvertes et on lui dit, entre par celle que tu veux. Et il y a aussi d'autres versions dans lesquelles le prophète, alayhi salatu wasalam, a ajouté, Allahumma ja'alni min al-tawwabin wa ja'alni min al-mutatahhirin. Il y a divergence sur cet ajout-là, mais incha'Allah, beaucoup l'ont authentifié. Allahumma ja'alni, oh Allah, fais que je fasse partie, min al-tawwabin, des repentants, wa min al-mutatahhirin, et des purifiés. Wallahu a'lam. Donc voilà, on a décrit de manière générale les ablutions, inshallah, du prophète alayhi salatu wassalam. Et dans le prochain dars, on va donc bien décrypter ces différentes paroles et actes et voir le statut de chacun d'entre eux. Est-ce qu'ils sont obligatoires ou est-ce qu'ils sont recommandés? Et on donnera à chaque fois le hadith, nous donnant la source donc de cet acte-là ou de cette parole-là. Bi'iznillahi azza wa jal. Bon, quelques remarques avant de terminer, inshallah, concernant les ablutions. Donc, concernant l'intention, il n'est pas légiféré de la prononcer. L'intention, ce n'est pas prononcé, ce n'est pas légiféré de la prononcer, c'est même une bid'a, c'est une innovation de prononcer son intention. Oh Allah, je vais me purifier. Oh Allah, je vais faire mes petites ablutions. Donc prononcer l'intention, ce n'est pas quelque chose qui est légiféré. Le prophète alayhi salatu wa salam ne l'a jamais fait, ni ses compagnons radiyallahu anhum. Concernant le lavage des mains, certaines femmes mettent du vernis à ongles ou bien de l'aîné. L'aîné, ce n'est pas quelque chose qui fait barrière à l'eau lorsqu'il est lavé, quand c'est les traces de l'aîné. Les traces de l'aîné ne sont pas une barrière pour l'eau. En revanche, l'aîné, la patte de l'aîné, ça c'est une barrière. Donc il faut enlever cela pour pouvoir faire ses ablutions. Mais concernant les traces de l'aîné, la trace orange qui se trouve dans les mains. D'abord, l'aîné, est-ce qu'on a le droit d'en mettre ou pas? Ça c'est quelque chose, on ne se pose pas trop parfois la question. Et avant de faire un acte, il faut toujours se poser la question. L'aîné, pour la femme qui met les gants, il lui est permis d'en mettre. Car lorsqu'elle va sortir, les hommes ne la verront pas. Donc mettre de l'aîné chez soi et s'embellir pour son mari, ça c'est permis. Mais l'aîné, vous savez très bien que ça ne part pas tout de suite. On ne peut pas l'enlever. Une fois qu'on l'a mis, ça va rester obligatoirement plusieurs jours, voire plusieurs semaines au niveau de la main. Et ça entre dans l'embellissement. Ça entre dans Ezzina, dans l'embellissement de la femme. Et la femme, elle s'embellit seulement et uniquement pour son mari. Donc lorsqu'elle va mettre de l'aîné, de manière générale, elle va être amenée à sortir de chez elle. Elle va sortir de chez elle. Donc si c'est une femme qui met les gants, il lui est permis de sortir avec de l'aîné, car elle va avoir les gants qui la protègent. Si elle ne met pas de gants, il est interdit pour elle de mettre al-henna. Il est interdit de mettre l'aîné. Pourquoi ? Parce qu'elle sort dehors avec un embellissement. Et cet embellissement, même s'il ne pas, il paraît moindre pour certains, ça reste un embellissement. À la base, c'est permis de mettre de l'aîné. La femme, elle peut s'embellir comme elle veut pour son mari. Mais il va y avoir problème quand elle veut sortir. Si elle veut sortir et qu'elle met des gants, le problème est réglé. Elle peut avoir n'importe quoi au niveau de la main, ça ne se voit pas. Si elle ne met pas de gants, à ce moment-là, mettre de l'aîné chez elle, ce n'est pas interdit. Mais si elle met de l'aîné et qu'elle veut l'enlever, elle ne pourra pas tout de suite l'enlever. Donc c'est pour cela qu'on lui dira de ne pas mettre de l'aîné, car si elle veut sortir, il faudra qu'elle cache ses mains. Et si elle ne met pas habituellement les gants et qu'elle met de l'aîné, ben à ce moment-là, qu'elle mette les gants, Inch'Allah, si jamais elle veut sortir, Wallah alam. Ça, c'est un point important. Beaucoup de sœurs sont laxistes à ce niveau-là. Concernant le vernis à ongles, de même, c'est permis mettre du vernis à ongles au niveau des pieds ou au niveau des mains, hein, pour s'embellir pour son mari. Mais ça a le même statut. Si je sors, je suis obligé d'enlever le vernis à ongles, hein, parce que ça entre dans l'embellissement. En plus, c'est encore un embellissement beaucoup plus fort que l'aîné. Donc ça, c'est un embellissement qui ne doit pas dépasser le pas de la porte, sauf pour une femme qui met, comme encore, qui met les gants. Sauf pour une femme qui met les gants. Donc si la femme met les gants, elle peut mettre son vernis à ongles et le garder et sortir. Parce qu'elle a les gants qui cachent le vernis à ongles. Maintenant, nous, on est dans les ablutions. Le vernis à ongles, est-ce que c'est quelque chose qui empêche l'eau d'atteindre donc les ongles qui doivent être lavés? Oui. Donc, si jamais j'ai du vernis à ongles, je suis obligé de l'enlever. Je suis obligé de l'enlever pour pouvoir faire mes ablutions. Je suis obligé de l'enlever pour pouvoir faire mes ablutions. Et une erreur grotesque qu'on a entendue et qui existe. Certaines sœurs essuient sur le vernis à ongles, pensant que ça a le statut des roufs. Donc elles font les ablutions, mettre du vernis à ongles, quand elles perdent leurs ablutions et doivent refaire l'eau d'eau, elles essuient sur les ongles. Non. Ça, c'est des ablutions nulles, qui sont invalides. Donc le vernis à ongles, lorsqu'une fois on l'a mis, on est obligé de l'enlever pour pouvoir faire ses ablutions, Inch'Allah. Concernant le lavage, donc des mains, du visage, des pieds, etc., si jamais on a une crème qui est épaisse, quelqu'un qui se met de la crème, par exemple, au visage, si cette crème, elle est fine, elle n'empêche pas l'eau de prendre le dessus et de venir en contact avec la peau, on n'est pas obligé de l'enlever. Mais si la crème elle est épaisse, huileuse, et que l'eau coule sur la crème ou sur l'huile et n'entre pas en contact avec la peau, on est obligé d'enlever cette huile ou cette crème pour pouvoir laver quelques membres que ce soit la main, que ce soit le visage ou même les cheveux. Si les cheveux sont huilés, qu'ils ont de l'huile et que cette huile est épaisse, je dis bien qu'elle est épaisse au point où l'eau n'arrive pas à entrer en contact avec ces derniers, il faut, Inch'Allah, enlever cette huile. Certains savants ont dit que non, car la purification des cheveux, elle est allégée par rapport au reste du corps, notamment par le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a demandé l'essuyage et non pas le lavage. Et il rapportait que le prophète, alayhi salatu wa salam, avait aussi ra'su mulabbad. Il avait la tête qui était rempli donc d'un produit comme d'une sorte de pâte, alors qu'il était en ihram, alors qu'il était en période de hajj. Et donc il s'essuyait la tête, alayhi salatu wa salam, pendant ses ablutions. Et de ce hadith-là, certains ont tiré, notamment Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, qu'il est permis pour la femme d'essuyer donc sa tête dans certains cas. Dans certains cas. Notamment, par exemple, si elle met de l'aîné. Si elle met de l'aîné et qu'elle a la patte sur les cheveux. Elle veut mettre de l'aîné au niveau de ses cheveux. Certains savants disent qu'il est permis d'essuyer sur cette patte-là. Qu'il est permis d'essuyer sur cette patte-là. Simplement, là, parce qu'elle a de l'aîné, elle ne peut pas l'enlever tout de suite. Si elle l'enlève tout de suite, elle ne va pas colorer les cheveux, et c'est le but de l'aîné, et de mettre de l'odeur et de la couleur. Donc elle est obligée de garder plusieurs heures cet aîné-là. Donc si elle met l'aîné après le dhuhr, elle perd ses ablutions, c'est l'heure du asr. On lui dit enlève l'aîné pour faire ensuite tes ablutions et pouvoir essuyer tes cheveux. Certains savants disent oui, et c'est le plus sûr. C'est le plus sûr. Et si elle veut mettre l'aîné, elle le met par exemple avant de dormir, et toute la nuit suffira, biiznillah azza wa jal, pour que l'effet escompté soit atteint. Mais le mieux, c'est d'enlever pour pouvoir essuyer. Mais il faut savoir que certains savants permettent d'essuyer, même sur une huile épaisse ou autre, mais pas la peau. La peau, c'est un statut spécifique, c'est le lavage. Alors que les cheveux, c'est un peu plus, un peu moins sévère. Wallah a'lam. Mais le plus sûr, c'est d'enlever toute chose qui se trouve même sur les cheveux, inshallah. Concernant la perruque, quelqu'un qui aurait une perruque. Le port de la perruque, d'abord, il est interdit, il est haram. Ça rentre dans même Al-Kaba'ir. Le prophète alayhi salatu wa sallam, il a dit la'ana Allah al-wasila wal-mustawsila. Qu'Allah maudit celle qui fait le rajout aux cheveux et celle qui demande à ce qu'on lui fasse. Ajouter des faux cheveux à ses cheveux, notamment en ayant pour but de tromper les gens et faire croire qu'on a une chevelure que l'on n'a pas en réalité, ça c'est interdit. Ça c'est interdit pour les hommes comme pour les femmes. Mais notamment le prophète alayhi salatu wa sallam a visé les femmes, car c'était les femmes qui faisaient ça en son temps. Mais aujourd'hui, ce qui est le plus choquant, c'est que même des hommes font ça. Donc, mettre des rajouts, ça entre dans ce hadith-là, que le prophète alayhi salatu wa sallam a maudit les gens qui font cela. Celui qui fait le rajout est celui qui demande à ce qu'on lui fasse. Donc, essuyer sur cette perruque-là, ce n'est pas permis non plus. Et les ablutions sont invalides. Mais si jamais il y a une raison réelle, une femme qui est chauve par exemple, qui a une maladie, qui fait de la chimio, qui a une perte de cheveux et qui veut mettre ça pour cacher ce défaut, à ce moment-là c'est permis. À ce moment-là c'est permis, mais il faut enlever la perruque pour pouvoir essuyer. Hein, pour pouvoir essuyer sa tête, Inch'Allah. Concernant le lavage des membres, si jamais la personne a le membre coupé, il a le membre coupé. Le membre, soit il est coupé de manière totale, soit de manière partielle. S'il est coupé de manière totale, le lavage donc tombe. Il ne lui est plus demandé de laver ce membre-là. Et il ne fait pas non plus tayammum par rapport à ce membre-là. Donc s'il a le bras droit complètement coupé jusqu'au coude, hein, complètement coupé, il ne lave pas ce bras-là. Il le saute et passe tout de suite donc au bras gauche. Et si jamais il reste une partie donc de ce qui doit être lavé, une partie du membre, alors il est obligatoire de laver cette partie-là. Allah dit « Fattakullah mastata'atum » Craignez Allah autant que vous pouvez. Et ici, il est capable de laver cette partie-là. Donc s'il a la moitié du bras droit coupé, la moitié du bras droit coupé. Quand on dit moitié, c'est moitié de l'avant-bras. Quand je dis bras, c'est de l'extrémité des doigts jusqu'au coude. Donc il lui reste 5 cm en dessous du coude. Il est obligé de laver cette partie-là. Il est obligé de laver cette partie-là. Si jamais il a le membre donc coupé, il a une prothèse par exemple. Certaines personnes ont une prothèse par rapport au bras. Il a le bras coupé jusqu'à, on va dire, 5 cm au-dessus du poignet. Donc il lui reste une partie entre le coude et l'extrémité des doigts. Il a perdu la main et une partie de l'avant-bras. Et il a une prothèse donc qui est fixée au-dessus du coude, jusqu'à... donc et cette prothèse-là, elle contient une fausse main. Donc il a une main artificielle qui est fixée jusqu'au-dessus du coude. Lorsqu'il doit faire ses ablutions, s'il peut enlever cette prothèse-là, s'il peut l'enlever, il est obligatoire pour lui de l'enlever pour pouvoir laver ensuite la partie restante de son bras originel. Si jamais il n'y a pas risque d'augmentation de la maladie, d'infection ou autre, hein, bien sûr. Avis médical préalable obligatoire. Et si jamais il ne peut pas enlever cette prothèse, là il est obligatoire pour lui d'essuyer la prothèse. Il faut qu'il essuie la prothèse sur qui il est obligé d'essuyer la partie de la prothèse qui recouvre la partie restante du membre originel. Il n'est pas obligé d'essuyer la prothèse jusqu'à la main, parce que lui, il n'a plus de main. Et il n'a plus la partie inférieure de l'avant-bras. Mais il lui reste 5 cm après le coude. Il est obligé d'essuyer 5 cm au-dessus de la prothèse, parce que le lavage est obligatoire. Et comme il ne peut pas faire le lavage, alors c'est remplacé par l'essuyage de la prothèse. Wallahu a'lam. Pour celui qui a une bague, par exemple, au niveau des mains, est-ce qu'il doit bouger ou pas la bague? Donc, bouger la bague, ce n'est pas une obligation si jamais l'eau pénètre, hein, en dessous de cette bague et qu'elle va au niveau des doigts. Donc celui qui a une bague au niveau des doigts, il est obligé de la bouger si jamais cette bague est fortement collée au doigt et qu'elle ne permet pas à l'eau de pénétrer jusqu'à ces derniers. Donc il faudra obligatoirement bouger la bague. Si une femme a des boucles d'oreilles au niveau des oreilles, est-ce qu'elle doit les enlever pour essuyer ceci, les oreilles? Non. Elle les garde. Et si jamais on a des bracelets, la femme a des bracelets au niveau du poignet, de même, elle n'est pas obligée de les enlever si jamais l'eau pénètre. Et si jamais l'eau ne pénètre pas, il faut les enlever. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.